Si comment un avion vole? Au fait, savez-vous comment un avion vole? Observez les ailes du Blériot 11 au-dessus de votre tête. En raison de leur forme, on parle de leur profil, l'air circule plus vite au-dessus qu'en dessous. Ce phénomène crée une différence de pression autour de l'aile, différence de pression qui génère une force aérodynamique. Cette force aérodynamique se décompose en une force de portance, dirigée du bas vers le haut, et une force de traînée, dirigée vers l'arrière. La portance équilibre la masse de l'avion et le soulève. La force de portance sera d'autant plus élevée que la vitesse de l'air autour de l'aile sera importante. Quant à la traînée de l'avion, elle est, rappelons-le, dirigée vers l'arrière. Elle empêcherait donc l'avion d'avancer sans une force de propulsion dirigée vers l'avant. Cette force de propulsion provient de l'énergie dégagée par le moteur. Plus la puissance du moteur est élevée, plus la force motrice l'est aussi. L'avion gagne donc en vitesse. À mesure qu'il gagne en vitesse, sa portance augmente également, il devient ainsi possible d'accroître sa masse. Tout au long de la visite du musée Safran, nous allons donc assister à une véritable course à la puissance.